الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك أو يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. Donc l'auteur nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je demande à Allah, le bon, le Seigneur du trône, du grand trône, d'être ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et de faire de toi une personne bénie où que tu sois, et faire de toi que tu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bienfait, tu sois reconnaissant, lorsqu'il t'éprouve, tu sois patient, et lorsque tu commets un péché, que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces trois choses son signe de bonheur. Il dit ensuite, sache, arshadak Allah li ta'ati, qu'Allah te guide vers son obéissance, que al-hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui vouant un culte exclusif, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, je n'ai créé les démons et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc lorsque tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne s'appelle adoration que lorsque l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est présente, at-tawhid, comme la prière ne s'appelle prière que lorsqu'il y a purification. Lorsque donc ash-shirk, l'association rentre dans l'association, rentre dans l'adoration, pardon, lorsque l'association rentre dans l'adoration, elle la rend nulle. Comme lorsque la personne perd ses ablutions pour la prière. Donc lorsque tu sais que l'association, lorsqu'elle est mélangée à l'adoration, elle la rend nulle et qu'elle annule cette œuvre et que celui qui commet cet acte, c'est-à-dire l'association, fera partie des gens qui resteront éternellement dans l'enfer. Donc lorsque tu sais cela, il faut que tu saches que la plus grande des choses que tu dois connaître, c'est donc ash-shirk. Donc tu dois connaître qu'est-ce que c'est que l'association, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sauve donc de cette maladie qui est l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose et il pardonne tout le reste à qui il veut. Donc cela en apprenant ou bien en comprenant quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي اسم ملة إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك وهو مأخوذ من الحنف. ما هو الحنف؟ هو شخص يقال في رجليه حنف، إذا نكفيه عوجاج وميل، مثلا عنده إحدى رجليه تميل إلى الأخرى عندما يمشي مثلا، يعني لا تكون مثلا يعني رجلاه متجهتين إلى الأمام، لا تكون عنده رجل يعني تميل إلى الأخرى، هذا يسمى حنيف، في رجله حنف. فإبراهيم عليه السلام كان يميل إلى التوحيد ولهذا سمي حنيفا، فملته دينه منهاجه طريقته تسمى بالحنيفية. ثم أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية هو الميل إلى التوحيد قصدا والثبات عليه. والملة هي الدين والطريقة والمنهج والشرعة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول ملة إبراهيم، لماذا قال هي ملة إبراهيم ولم يذكر نبيا من الأنبياء غيره؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ واش الحنيفية هي ملة محمد؟ هي ملته لأنه قد اتبع إبراهيم، وذكر إبراهيم عليه السلام هنا لأنه لفظ موافق للقرآن، فكلما أراد الإنسان أن يتحدث عن الدين كلما كان كلامك موافقا لما جاء في القرآن كلما تكون بعيدا عن الخطأ. إذا استعملت الألفاظ التي جاءت في القرآن أو الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان كلامك يعني موافقا وأقرب إلى الصواب. أنت أحيانا تريد أن تقول كلاما ولكن تستعمل ألفاظك أنت، فقد يفهمك يعني بعض الناس على خطأ. فكلما استعمل الإنسان ألفاظ الوحيين، ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، كلما كان كلامه أقرب إلى الصواب. فالمصنف رحمه الله استعمل ملة إبراهيم لأنه الذي جاء به القرآن. كذلك ذكر إبراهيم عليه السلام لأن جميع الأنبياء بعده ينتسبون إليه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعد نبينا محمد بعد إبراهيم عليه السلام ومن ذريته، إما من ذرية إسماعيل كما هو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من ذرية إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب. ولهذا كل نبي من ذرية يعقوب يسمى يعني أو لا يسمون ببني إسرائيل، يعني إسرائيل هو يعقوب، اسم إسرائيل هو يعقوب ولا لا؟ هل الحاج شكون إسرائيل؟ لا لا، ولكن موجود في القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، فبني بني إسرائيل هم ذرية يعقوب، ذرية يعقوب يسمون بني إسرائيل. أما العرب من ذرية إسماعيل. فلهذا ذكر، لأن كل اليهود مثلا ينتمون إلى موسى، والنصارى ينتسبون إلى عيسى، وكل هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام. فعيسى وموسى من بني إسرائيل, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. فكل هؤلاء أني ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام. هذا هو السبب الثاني الذي جعل المصنف رحمه الله يذكر إبراهيم. والسبب الثالث هو أن كل صاحب ملة أن يدعي أنه على ملة إبراهيم. اليهود يقولون حنا كنتبع إبراهيم, النصارى يقولون نحن نتبع إبراهيم, والمسلمون يقولون نحن نتبع إبراهيم. ولذا قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هو الميل إلى التوحيد والثبات عليه. فكل من كان مائلا إلى التوحيد وثبت عليه فهو على ملة إبراهيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Donc on était arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit اعلم أرشدك الله لطاعتي, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiya c'est la religion de Ibrahim. Al-Hanifiya c'est le fait de pencher et de s'éloigner de l'association et de pencher vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hanif c'est celui qui penche. Une personne par exemple qui a un pied qui penche vers l'autre, on dit que firijlehi hanef. Donc on dit qu'il a un problème, ça s'appelle hanef, du fait qu'il n'a pas les pieds donc dirigé vers l'avant, il en a un des deux qui penche vers l'autre. On appelle ça le hanef, donc le fait de pencher. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a délaissé l'association et qu'il s'est dirigé entièrement vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a été affermi sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été appelé al-hanif. Et sa religion, al-hanifiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ensuite ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre cette religion. Thumma awhayna ilayk, ensuite nous t'avons révélé anittabi' millata Ibrahim hanifa, de suivre la religion d'Ibrahim le hanif. Wa ma kana min al-mushrikeen, il ne faisait pas partie des associateurs. Donc, il a cité Ibrahim ici alors qu'il aurait pu dire Millati Muhammad, le fait que c'est également la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait que premièrement lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Al-Hanifiyya dans le Coran, il a cité Ibrahim. Donc plus la personne lorsqu'elle veut parler de croyance ou même de religion de manière générale, plus ta parole est proche des termes utilisés dans le Coran et des termes utilisés dans la Sunna, plus ta parole se rapproche de la vérité. Pour ça, la personne, il faut lorsqu'elle, c'est pour ça que c'est important d'apprendre le Coran, d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car parfois tu veux dire quelque chose, tu as une bonne intention, mais tu emploies tes mots à toi. Donc tu vas dire parfois des erreurs. Contrairement à si tu employais par exemple les termes qui sont venus dans le Coran, les termes qui sont venus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta parole sera proche donc de la vérité. Et donc il a utilisé donc Millati Ibrahim, car donc c'est la chose utilisée dans le Coran. Également la deuxième cause qui fait que il a utilisé cité le nom de Ibrahim alayhi salam, le fait que c'est le père des prophètes, Abul Anbiya. Tous les prophètes après lui sont de sa descendance. Allah a dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons mis dans sa descendance la prophétie et les livres. Donc Ibrahim, si on regarde même l'histoire des prophètes, on verra que tous les prophètes après Ibrahim sont de sa descendance, sans exception. Donc Ibrahim, il y a parmi ses enfants Ismaïl. Fait partie de la descendance de Ismaïl, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite nous avons un autre enfant Ibrahim qui s'appelle Ishaq. Le fils à Ishaq, Yaqub. Yaqub, parmi ses noms, Israël. Israël, c'est un des noms de Yaqub. Allah dit dans le Coran, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Tous les aliments, toute la nourriture était licite pour les enfants de Israël, la descendance de Israël, sauf ce que Israël s'est interdit à lui-même. Israël, c'est-à-dire Yaqub. Donc lorsque vous voyez dans le Coran Ya bani Israël, c'est-à-dire la descendance de Yaqub. C'est là que vous, dans cette descendance il y a beaucoup de prophètes, Moussa, Isa, Haroun, donc tous les prophètes de Bani Israël, Suleyman, Daoud. Et donc c'est le père des prophètes, donc c'est pour ça que l'auteur a cité cela. Également, toutes les religions prétendent suivre la religion de Ibrahim. Les juifs disent nous suivons la religion de Ibrahim, les chrétiens également et les musulmans également. Pour ça qu'Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit ? Ma kana Ibrahim ou Yahoudiyan ou la Nasraniya. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifan muslima. Il était hanif, c'est-à-dire dirigé vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, musliman, soumis à Allah, wa ma kana min al-mushrikin, et ne faisait pas partie des associateurs. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma unzilat al-tawrat wa al-injil wa illa min ba'di. C'est-à-dire que la Torah et la Bible ont été révélées après lui. Comment il pourrait être juif ou bien chrétien ? Donc ceux qui suivent la religion d'Ibrahim, c'est ceux qui donc sont liés et attachés à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en n'associant rien à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول اعلم ان ملة ابراهيم وتلاحظون انه لم يقول عليه السلام لم يقول عليه السلام فالعلماء رحمهم الله يعني متفقون على استحباب السلام على الأنبياء والخلاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو مستحبة الجماهير الناس مستحبة إلا مثلا في الصلاة مثلا لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصلاة الإبراهيمية. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله العبادة هو في اللغة العربية الذل الذل والخضوع الذل والخضوع فإذا تذللت وخضعت لشيء فأنت عابد له هذا في اللغة العربية ولهذا يقال طريق معبد ولا لا طريق معبد أحيانا تقول مشروع تعبيد الطرق الطريق المعبد هو المذلل المهيأ للناس يعني حتى يمشون عليه على أحسن الوجوه وفي الشرع العبادة هو ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية يقول العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذا اسم هذا هو العبادة. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى. إذا صليت تصلي لله، إذا دعوت تدعو الله تبارك وتعالى، إذا صمت صمت لله، إذا حججت حججت لله، إلى غير ذلك. أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى لا أمرا دنيويا. فهذا هو الإخلاص، وهذا هو الحنيفية وملة إبراهيم. بل قال إبراهيم عليه السلام كما قصه الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا معنى لا إله إلا الله، عندما قال إنني بريء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى إلا الله. فإبراهيم عليه السلام في هذه الآية الكريمة أتى بمعنى الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. والعبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا صليت لغير الله تبارك وتعالى، أو قرأت القرآن لغير الله، أو صمت لغير الله، أو حججت لغير الله، فهذه العبادة لا تنفعك في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل الذي أن يقوم بالعبادة لغير الله يقول له يوم القيامة عندما يجازي الناس حسب أعمالهم، يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. Donc, il dit ensuite, la religion d'Ibrahim, al-Hanifiya, le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Donc nous avons deux mots qu'il est important de comprendre. Nous avons al-Ibada et nous avons al-Ikhlas. Et que al-Ibada, pour que ce soit une chose acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a besoin de al-ikhlas, la sincérité. Al-ibada, donc c'est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, comme parole ou comme acte, apparent ou interne. Quand par exemple, tout ce qui est a'mal al-qulub, lorsque tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu détestes une chose, tout ça c'est dans ton cœur. Donc ça c'est a'mal al-qulub, et ça fait partie également des adorations. Ça fait partie des adorations. Lorsque tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est dans ton cœur. Personne ne sait vraiment il a ta mutawakkil am la. Est-ce que tu t'en remets véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Lorsque tu acceptes les choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui le sait? C'est une chose qui est dans ton cœur. Donc ça, ce qu'on appelle les adorations du cœur, a'mal al-qulub. Et ensuite nous avons les adorations visible. L'ibadat al-zahira. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée comme adoration visible, comme invisible, ça s'appelle l'ibadat. Et donc, l'ibadat, pour que donc elle soit considérée comme bonne, il faut absolument qu'elle soit accompagnée de ce que l'on appelle l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, le fait que la personne, lorsqu'elle fait une adoration, elle désire Allah subhanahu wa ta'ala seul et non une chose de ce bas monde, comme les louanges des gens, ou bien de l'argent, ou bien etc., ou bien toutes les choses de ce bas monde. Et c'est la chose à laquelle a appelé Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit dans le Coran: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple: je me désavoue de ce que vous adorez. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, sauf celui qui m'a créé. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, il va me guider. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, et il a laissé cette parole dans sa descendance afin que les gens donc reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qu'il a cité Ibrahim alayhi salam, c'est le sens de la ilaha illallah. Donc lorsque la personne dit la ilaha illallah, c'est-à-dire nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Donc c'est exactement ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Donc l'adoration n'est utile pour son auteur que lorsqu'elle est accompagnée de la sincérité. Donc les versets dans le Coran qui part de la sincérité sont très nombreux. Allah dit dans surat Az-Zumar: ala lillahi dinul khalis, n'est-ce pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la religion sincère. Et il dit également dans surat Al-Bayyina, donc surat très connue: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, il ne leur a été pourtant ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui vouant un culte sincère. Et Allah dit également dans le hadith divin: ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk, c'est-à-dire je suis au-dessus de tout ce qui m'associe. Celui qui accomplit un acte en m'associant quelqu'un ou quelque chose, je le délaisse lui et son association. Ce qui prouve que toute adoration dans laquelle rentre l'association, grande ou petite, cet acte n'est pas valable. L'ikhlas samarat kathira wa naktafi bi dhikri yani samaratayn. L'ikhlas كما قلنا يعني سبب لقبول او شرط من شروط قبول العباده, وكذلك هو سبب للنجاة من الذنوب والسيئات. الله عز وجل إذا كنت مخلصا له في عباداتك فإنه يدفع عنك السوء والشر. قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف عليه السلام الله عز وجل صرف عنه يعني ما أصابه من فتنة النساء بسبب إخلاصه لله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان مخلصا لله مقبلا على الله تبارك وتعالى بكل أعماله, فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنه السوء والفحشاء والسيئات والذنوب. وكذلك الإخلاص سبب في النجاة من الشيطان. إذا كان الإنسان يريد أن يتخلص من الشيطان ومن وساوسه ومن أمره بالسوء فعليه بالإخلاص. قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان يعني أخبر أنه سيضلل أو يضل الناس كلهم يعني من ذرية بني آدم إلا من كان صاحب إخلاص إن الله عز وجل سيعصمه من شر الشيطان. Donc l'ikhlas, la sincérité possède de nombreuses vertus. Parmi ces vertus, le fait que donc c'est une condition pour que l'adoration soit acceptée. Il y a également la condition qu'il faut que ce soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça fait partie d'une des conditions. Également, si la personne veut être délivrée et éloignée des péchés et des erreurs, qu'elle soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne est sincère dans son adoration, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de lui les mauvaises choses et les péchés. Allah, lorsqu'il a parlé de l'histoire de Yusuf alayhi salam dans la sourate du même nom, sourate Yusuf, il nous dit كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. C'est ainsi que nous éloignons de lui le mal et la turpitude. Ensuite, il nous dit la cause, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, car elle faisait partie de nos serviteurs sincères. Également, la sincérité à l'ikhlas est cause de délivrance du diable. Al-Shaytan lui-même, il dit dans le Coran, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Il parle à Allah en lui disant, par ta grandeur, je vais tous les égarer. C'est-à-dire, toute la descendance de Adam alayhi salam, je vais tous les égarer, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, sauf tes serviteurs sincères. Donc si la personne elle veut être protégée donc des murmures du diable et de ses tentatives d'égarement, il faut qu'elle essaye donc d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. ثم يقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر آية سورة الذاريات التي فيها والتي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الهدف والغاية من خلق الإنس والجن وهو عبادة الله وحده لا شريك له. الله عز وجل لم يخلق الإنس والجن حتى أن يأكلوا ويشربوا ويناموا ويتزوجوا ويفعلوا ويفعلوا, هذا ليس لله حاجة أو ليس الهدف من خلق الإنس والجن. الهدف الوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ومع الأسف نجد أن الكثير من الناس يعني من المسلمين قد نسوا الهدف من وجوده على الأرض, فهو يركض ويجري خلف حطام الدنيا, فهو في اليوم يعمل ويفكر في الدنيا, وفي الليل يفكر في الدنيا, وفي جميع أوقاته وأحيانه يفكر في الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك, يقول لا تجعل الدنيا أكبر همي, لا تجعل الدنيا أكبر همي. فعلى المسلم أن يجتهد حتى يحقق الهدف الذي خلق من أجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك يعني خلق الإنس والجن, وكذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل, فهذه الأمور كلها لأجل عبادة الله وحده لا شريك. فما من نبي أرسل إلى قومه إلا لدعوتهم إلى عبادة الله. عندما تقرؤون القرآن تجدون عند ذكر دعوات الأنبياء أن كل واحد منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل إذن لم يخلق الجن والإنس عبثا. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني الإنسان يحسب أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث، لا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur plutôt, a ensuite cité le verset de Surat Al-Dhariyat où Allah dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les démons et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc, il a cité ce verset pour rappeler aux musulmans, ou bien à ceux qui lisent ce livre, le but de la création des hommes et des démons. Donc c'est afin qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Donc Allah ne nous a pas créés pour manger, pour dormir, pour nous marier, pour boire, pour nous amuser. Allah nous a créés afin que nous l'adorions. Donc c'est le seul but de notre création. Donc ceux qui finalisent et concrétisent ce but, Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera en fonction de leurs œuvres. Mais à l'opposé, ceux qui oublient cela et donc pendant toute leur vie vont à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les récompensera également en fonction de leurs œuvres. Donc ça, c'est le but de la création de l'homme. Donc il faut souvent rappeler aux gens le but de leur présence ici-bas, car beaucoup de musulmans l'ont oublié, sans parler des non-musulmans. Beaucoup de musulmans ont oublié cela. Donc Allah a créé les hommes et les démons afin qu'ils l'adorent. Allah également, il a fait descendre des livres et il a envoyé des prophètes également pour leur rappeler l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le Coran, les histoires des prophètes et leur divergence avec leur peuple, chaque prophète dit à son peuple U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, qu'avez-vous à adorer d'autres divinités que lui? Et Allah également dans le Coran, il rappelle aux gens qu'il ne les a pas créés par amusement. Allah dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé par amusement et que vous ne reviendrez pas vers nous? Et il dit également أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'il sera délaissé? أَنْ يُتْرَكَ سُدًى, c'est-à-dire que l'homme, après avoir été créé, il n'a ni d'ordre à recevoir ni d'interdiction à recevoir, et également pense-t-il qu'il ne sera pas ressuscité. Donc toutes ces choses-là, il faut que l'homme se soit toujours dans ses pensées, donc le but pour lequel il a été créé, et que Yawm al-Qiyama, il sera jugé en fonction donc de ce but, est-ce qu'il l'a concrétisé ou pas. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره فاذا عرفت ان الشرك اذا خلط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك. اذن بعد ان ذكر الهدف من خلق الإنس والجين أنه عبادة الله وحده لا شريك له، فالإنسان أن يعرف أن هذه العبادة لا تتحقق إلا بشرطين. إذا أراد الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن تكون عبادته مقبولة عند الله، لابد من وجود وتوافر شرطين. إذا انتفى أو انعدم شرط من هذين الشرطين بطلت العبادة ولم تقبل، وإن كانت نية صاحبه حسنة. الشرط الأول التوحيد، الشرط الأول التوحيد والإخلاص، أن تكون متوجها في عملك لله وحده لا شريك له. إذا صليت صليت لله، إذا ذبحت ذبحت لله، إذا استعنت استعنت بالله، إذا دعوت دعوت الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من العبادة. هذا هو الشرط الأول. ودليل هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمصنف هنا قال أن الشرك في العبادة بمثابة الحدث في الطهارة، فكما تبطل الطهارة إذا أحدثت فكذلك العبادة تفسد إذا أشركت بالله شيئا. والشرط الثاني لقبول العبادة ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت عملا ما كيفما كان لا بد أن يكون عندك دليل من الكتاب والسنة. فإذا عملت عملا ولو كان كبيرا لا يقبل إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. والحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من عمل شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. الرواية الأولى يعني من أحدث، هو يعني من نفسه أحدث، أتى بشيء جديد من عنده. يعني شخص مزيد ومحمد يقول: اليوم سأعمل عبادة لله تبارك وتعالى ولكن ليس عليه دليل من السنة أو من كتاب الله. هذا يسمى محدث ويسمى مبتدئ، مفهوم؟ شخص آخر يعمل البدع وكما شو لي أحدثها، مفهوم؟ فيقول لك: أنا أصلا ما دخلش في الحديث، أنا لست الذي أحدثتها. نقول له: هناك رواية أخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهي فائدة الروايتين، العامل والمحدث، كلاهما عمله مردود. فالناس هنا في هذا الزمن يقولون: المهم هو النية. النية وحده ما تكفي. إن كان عملك يعني خطأ، يعني عملك لا يقبل، مفهوم؟ شخص يقول لك: صليت الصبح قبل الوقت ولكن نيتي كانت، أكيد نيتي كانت صالحة ولكن خطأ، أعيد الصلاة فصلاتك باطلة. صليت بدون وضوء، ما كنتش عارف. صليت ما اغتسلت، ما كنت أعرف. نقول: نيتك تكفي؟ لا، اغتسل وتوضأ وصل. فعبادتك يعني غير مقبولة إلا بهذين الشرطين: أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى ذبح صحابي من الصحابة شاته قبل الصلاة، مفهوم؟ وقبل أن يذهب إلى المصلى ذبح، حتى قالني: حتى أرجع إلى بيتي فيكون أول عملي أن أكل من أضحيتي. نيته صحيحة حسنة ولا لا؟ نية السيد هذا، نية الصحابي هذا صالحة؟ لا، نية نيته صالحة. وما نوى الشر وما نوى الشرك وما نوى شيء، ولكن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أش قال لي؟ شاتك شات لحمي، هذا ماشي أضحية. علاش؟ لأنه ذبح قبل الصلاة. هذا بغيت نقول لكم أن النية وحدها لا تكفي لقبول العمل، فلا بد من موافقة العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite il nous dit, lorsque donc vous avez compris et vous savez que Allah vous a créé pour son adoration, sachez que l'adoration ne s'appelle adoration que lorsqu'elle est accompagnée de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière ne s'appelle pas prière que lorsqu'elle est accompagnée de la purification, al-tahara, al-wudu, ou bien al-rusl. Et lorsque l'association donc entre dans l'adoration, elle la rend nulle, comme lorsque la personne perd ses ablutions. Donc lorsque la personne a compris le but de sa création, il faut qu'elle sache que cette même adoration, donc qui est le but de notre création, n'est appelée adoration que lorsqu'elle est accompagnée de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici il n'a pas cité al-mutaba'a lin-nabi, car sallallahu alayhi wa sallam, car donc c'est un livre sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a écrit ça à une époque où les gens justement ils vouaient des adorations à autre qu'Allah, ils invoquaient autre qu'Allah, ils demandaient protection auprès d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but ce n'est pas un livre pour inciter les gens justement à suivre la sunnah, c'est un livre pour inciter les gens de son époque à revenir vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais sinon, donc, pour qu'une adoration soit acceptée, il faut deux conditions. Donc la première condition, c'est la sincérité, l'ikhlas, al-tawhid, le fait que ton adoration soit exclusivement vouée à Allah, du début jusqu'à la fin. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes la zakat, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu fais le pèlerinage, lorsque tu sacrifies le jour de l'Aïd, toutes ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie et aime, il faut qu'elles soient accomplies pour lui. Pour lui seul. Il ne faut même pas qu'il y ait un peu pour Allah et un peu pour les gens. Il faut que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il nous dit que, donc si l'association donc vient entrer dans l'adoration, elle devient nulle, comme lorsque la personne perd ses ablutions en ce qui concerne la prière. Donc on a cité tout à l'heure le hadith divin où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: je suis au-dessus de tout ce qu'il m'associe, celui qui accomplit une œuvre en m'associant quelque chose, je le délaisse lui et son association. En ce qui concerne les ablutions, Allah, le prophète s'en dit: la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière d'un autre vous lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Et la deuxième condition, donc pour qu'une adoration soit acceptée, c'est al-mutaba'a, ce qui veut dire le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une de ces conditions n'est pas présente, l'adoration n'est pas acceptée. Si tu suis la sunna, mais que tu as accompli l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple en embellissant ta prière pour le regard des gens, en faisant le pèlerinage pour que les gens fassent tes louanges, pour que tu jeûnes afin que les gens également disent du bien de toi, même si tu as suivi la sunna en jeûnant le lundi, le jeudi, en faisant le pèlerinage à son moment comme il se doit, tous ces actes-là ne sont pas acceptés jusqu'à ce qu'ils soient présente en elle ces deux conditions qui sont l'ikhlas, la sincérité, et le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, si la personne est sincère, elle est sincère dans son adoration, lorsque la personne fait un acte, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, mais cet acte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, à ce moment-là l'acte également ne sera pas accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. Celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cet acte sera rejeté. Et ce n'est pas seulement celui qui innove, celui également qui met en pratique l'innovation. Donc c'est pour ça qu'il faut que le musulman il fasse très attention à cela. La personne a dit, moi j'ai rien innové, je fais juste suivre les gens. C'est la même chose. Man amila amalan, également celui qui met cela en pratique. Donc la bonne intention ne suffit pas. Il y a des gens parfois qui font des actes qui sont contradictoires avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on leur dit que c'est une innovation, que ce n'est pas bien, ils nous disent, ce qui est important, c'est l'intention. L'intention, c'est important, mais cela ne suffit pas. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, il y a un homme qui a sacrifié donc sa bête avant la prière. Donc, son intention était bonne. Son intention était que, justement, lorsqu'il finirait et reviendrait chez lui après la prière, la première chose qu'il ferait, ce serait manger. Tout serait déjà fait. Donc son intention n'était pas mauvaise. C'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention, c'était juste de gagner du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été informé donc de l'affaire de cet homme, il lui a alors dit shaytuka shaytu lahmin. C'est-à-dire, ton mouton, ce n'est que de la viande, tuqaddimu li ahlik, que tu donne à ta famille, mais ce n'est en aucun cas un sacrifice du jour de l'Aïd. Ithbah makanaha ukhra. Sacrifie une autre bête à la place. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que l'acte de cet homme n'était pas conforme à sa sunna, il lui a tout de suite fait la remarque en lui disant de sacrifier une autre bête et que sa bonne intention ne suffisait pas. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي وهي الشرك بالله الذي قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عرفت خطر الشرك وأنه يحبط العمل وأنه يصير صاحبه من الخالدين في النار فعليك أن تعرف ما هو الشرك. فالإنسان إذا عرف إذا أراد أن يدرس التوحيد لابد أن يدرس كذلك ضده. إذا لابد أن تعرف الضد حتى تعرف عين الشيء. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أي عمل يقربني إلى الجنة، أي عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى، أي عمل يدخلني الجنة، أي عمل كذا كذا حتى يعمل. حذيفة هو كان يستنبس سمن الشر حتى يجتنب، يعني ما أبغض الأعمال إلى الله، أي عمل يدخلني النار حتى يبتعد عنه. فكذلك لابد أن تعرف التوحيد وتعرف الشرك حتى تجتنبه. فإذا يقول أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل، العمل باطل. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما قلنا إذا كان الشرك قد خلط العبادة صار العمل يعني محبطا. وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فصاحب الشرك لا سيما الشرك الأكبر إذا مات على الشرك الأكبر ولم يتب فهو خالد في نار جهنم. هذا ينبغي أن يكون عقيدة عند المسلم أن المشرك إذا مات ولم يتب من شركه فهو خالد في نار جهنم عياذا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة من أنبيائه وأصفيائه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى. Donc il nous dit ensuite, donc si tu connais, eh bien si tu sais maintenant que l'association shirk, lorsque donc elle est mélangée à l'adoration, elle la rend nulle et elle annule l'œuvre, et son auteur devient parmi les gens qui resteront en enfer. Il faut donc que tu saches que la plus importante des choses à savoir donc, c'est l'association, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne et te libère de cela. Donc si la personne veut étudier le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument qu'elle étudie également son opposé. Ça ne suffit pas d'étudier le tawhid, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il faut également savoir quelles sont les choses qui font partie de l'association al-shirk, afin de les éviter. Donc le musulman, lorsqu'il apprend l'islam, il apprend les bonnes œuvres et les mauvaises. Les bonnes œuvres afin de les mettre en application, et les mauvaises afin de les éviter. Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, il nous dit, les gens, c'est-à-dire les compagnons, ils demandaient, ou bien ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des bonnes œuvres, afin donc de les mettre en application. C'est-à-dire quelles sont les œuvres qu'Allah aime, quelles sont les œuvres qui font entrer au paradis, quelles sont les œuvres pour lesquelles il y a une grande récompense, afin de mettre cela en application. Hudhayfah ibn al-Yaman, il nous dit, moi, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je questionnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des mauvaises actions, par crainte de tomber dedans. Par crainte de tomber dedans. Donc le musulman, il faut qu'il connaisse le bon et le bien et le mal, afin donc de l'éviter. Donc lorsque l'association rentre dans l'adoration, elle la rend nulle et l'œuvre devient caduque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en parlant de ses prophètes, s'ils avaient associé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, toutes leurs œuvres seraient devenues nulles. Et il dit à son prophète, si tu associes quelque chose à Allah, ton œuvre deviendra nulle. Donc Allah, il parle à ses prophètes et il parle de ses prophètes. Donc les autres rentrent dans ces versets à plus forte raison. Et la personne qui meurt, la personne associatrice qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui meurt sans se repentir, elle restera éternellement dans le feu de l'enfer. Allah dit, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe quelque chose à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa demeure sera l'enfer. إذن عرفت أن أهم ما يجب عليك معرفته أو معرفة ذلك على الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن كما قلنا يجب عليك أن تعرف الشرك حتى تنجو وتسلم منه. والشرك هو تسوية غير الله تبارك وتعالى به فيما هو من خصائصه. إذا سويت بين الله وبين غيره فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فقد أشركت به. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وكلاهما خطير، والأكبر أخطر من الأصغر. فالأكبر إذا مات صاحبه هو من أهل النار خالدا مخلدا، وهذا ينبغي أن يكون اعتقاد عند المسلم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فمن سجد لغير الله ومن ذبح لغير الله ومن أحب غير الله كحب الله أو أكثر ومن خشي غير الله ومن صلى لغير الله وحج لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. القسم الثاني شرك أصغر صاحبه إن لقي الله فهو تحت المشيئة. إذا مات صاحب الشرك الأصغر ولم يتوب فهو تحت المشيئة، فإن شاء عذبه على قدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، كالحليف بغير الله والرياء وتعليق التمائم إلى غير ذلك. سنذكر التفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو خطير كذلك على المسلم أن يجتنب الشرك كبيره وصغيره. وقلنا أن لا بد من معرفة الشرك يعني حتى لا نقع فيه. يقول أحد أن الشعراء عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا كنت تعرف مثلا يعني ما هو الطاعة فتعمل الطاعة وتعمل الطاعة، ولكن لا كنت لا تعرف معصية الله تبارك وتعالى قد تقع فيها. فبعد ذلك سيذكر يعني أربع قواعد يتعرف من خلالها القارئ على معنى الشرك. فسيذكر يعني مواصفات كفار قريش، كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف ما كان النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. Donc, il dit ensuite, donc lorsque tu sais tout cela, il faut que tu saches que la plus grande chose, la chose la plus importante à connaître, donc c'est de connaître qu'est-ce qu'est l'association al-shirk, afin donc de qu'Allah subhanahu wa ta'ala te libère de ce péché qui est l'association avec Allah. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose et il pardonne le reste à qui il veut. Donc la personne, pourquoi elle apprend qu'est-ce qu'est l'association, afin donc de ne pas tomber dedans. Al-shirk, c'est le fait donc de rendre une chose égale à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui fait partie de ses caractéristiques propres, c'est-à-dire le fait, l'adoration, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc si tu adores autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu avais rendu cette chose adorée égale à Allah subhanahu wa ta'ala. L'association est divisée en deux catégories. Donc dans ce livre, l'auteur, lorsqu'il parle de l'association ici, il nous parle de shirkul akbar. Shirkul akbar, donc c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, le fait d'aimer autre qu'Allah d'un amour égal ou semblable à celui d'Allah, également le fait de craindre autre qu'Allah, donc toutes les sortes d'associations, tout cela ce qu'on appelle al-shirku al-akbar. Donc si la personne meurt sans se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres, toutes ses œuvres seront nulles et il demeurera éternellement en enfer. La deuxième catégorie est shirku al-asghar, la petite association, donc qui est également très dangereuse. Et il faut que le musulman s'éloigne des deux sortes d'associations, la grande comme la petite, même si la petite, donc le châtiment et la punition est donc moins grande que la première. Donc par exemple, le fait de jurer par autre qu'Allah, le fait de faire de l'ostentation, le fait d'accrocher un talisman, toutes ces choses-là font partie de la petite association, et on s'y sera cela plus en détail. Donc comme on a dit tout à l'heure, la personne, elle apprend At-tawhid, donc qu'est-ce qu'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en apprenant qu'est-ce qu'est al-shirk afin de ne pas tomber dedans. Est-ce que maintenant, Adhan ? ثم قال القاعدة الأولى هذه القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة سنتعرف من خلالها على معنى الشرك يقول القاعدة الأولى أن تعلمنا الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc ensuite il va citer quatre règles, c'est pour ça que le livre s'appelle Al-Qawa'id Al-Arba', donc les quatre règles. Grâce à ces quatre règles, nous allons apprendre qu'est-ce qu'est l'association. Ma huwa al-shirk. Donc la première règle qu'il a citée, il a dit le fait de savoir que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, il reconnaissait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Al-Mudabbir, comment ils ont traduit Mudabbir ? Le commandeur. Le créateur et le commandeur, et que, c'est-à-dire, cette reconnaissance ne les a pas rendus musulmans, ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et la preuve à cela, Allah dit dans le Coran, dans Surat Yunus, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et la terre, et qui possède lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui commande les ordres, ils diront, c'est-à-dire les associateurs, Allah, قل أفلا تتقون. فهذه قاعدة في غاية الأهمية. أن يعرف الإنسان القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه فالكثير من المسلمين وهو مسلمون يعني منذ الولادة لا يعرفون الإشكال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الكفار قريش كانوا يقولون أن اللات والعزى ومنات هن اللواتي خلقن العالم ها هذا موجود عند المسلمين من يعتقد ذلك فإذا قال الإنسان أنا لا خالق إلا الله فهو مسلم وهذا غير صحيح من قال لا خالق إلا الله ليس بمسلم من قال لا رازق إلا الله ليس بمسلم لا يكفي هذا أقرب ما يكون إلى كفار قريش المسلم هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ويعترفون أن الخلق أو أن الخالق هو الله تبارك وتعالى ولكن ذلك لم يجعلهم مسلمين ففي أول درس ذكرنا أقسام التوحيد وذكرنا القسم الأول هو توحيد الربوبية فهو أن توحد الله تبارك وتعالى في الخلق والرزق والتدبير والإماتة والإحياء هذا هو الذي كان المشركون يقرون به وهذا لا يكفي لدخول الإنسان في الإسلام لا يكفي لدخول الإنسان لا خالق إلى الله لا رازق إلى الله لا مدبر إلى الله لا محيي إلى الله هذا لا يكفي وإلا لصار قريش مسلمين ولما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما حكم عليهم بالكفر فالهدف من هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي فالهدف من هذه القاعدة وبيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في إدخال الإنسان في الإسلام وإبعاد صفة الشرك عنه والنزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم هو في توحيد الألوهية أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. Donc ensuite il nous dit, sachez que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, c'est-à-dire à son époque, les gens de Quraysh, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, le commandeur, et que cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc ça c'est une chose très très très importante à savoir. Beaucoup de musulmans ne savent pas cela. Beaucoup de musulmans ne savent pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette divergence entre lui et son peuple. Beaucoup de gens ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on leur dit il était envoyé à un peuple qui adorait des statuettes, c'est-à-dire ils pensaient que ces mêmes statuettes ont créé les cieux et la terre, que ces mêmes statuettes c'est elles qui leur donnent la subsistance, qui leur donnent des enfants, qui leur donnent des richesses. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça la divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. La divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, c'est que il vouait certaines adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mettrait entre eux et Allah des intermédiaires. Donc, le fait de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, cela ne fait pas de la personne un musulman. Cela ne fait pas de la personne un musulman. Sinon, les gens de Quraysh auraient été musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les aurait pas combattus. Lors du premier cours, nous avions cité la division du tawhid. On avait dit que certains savants ont divisé en deux parties, d'autres en trois parties. En trois parties, nous avions dit tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma al-sifat. Donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs. Et donc dans sa seigneurie, c'est cela. Le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de créateur à part Allah, qu'il n'y a pas de personne qui donne la subsistance à part Allah, qui donne la mort, qui donne la vie à part Allah. Et cela ne suffit pas pour être musulman. Et que la divergence qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, c'était la deuxième catégorie qui est Tawhid al-Uluhiyya, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc le but de cette règle qu'a cité l'auteur, rahimahullah, c'est que la personne donc sache que le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, cela ne suffit pas pour sortir de l'association vers l'islam. نكتفي بهذا وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.